merci pour votre sourire, c'est agréable et c'est tellement rare. Merci beaucoup. Bonne journée. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Please make sure you collect all your belongings.